suis guéri. Par ces meurtrissures, oui, j'ai la vie. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Par ces meurtrissures, oui, j'ai la vie. Son sang a lavé mon péché et ont aimé s'iniquité. Son sang a lavé mon péché et ont aimé s'iniquité. Depuis je marche avec lui sur le chemin tracé par lui. Depuis je marche avec lui sur le chemin tracé par lui. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Par ses meurtrissures.